Uriah Effort. When we say effort, mental effort and physical effort, both are needed in our practice. Viriya, l'effort, est indispensable dans la pratique. Lorsqu'on parle de viriya, l'effort, il s'agit d'un effort mental et physique. Sans viriya, sans effort, il ne sera pas possible de maintenir l'attention sans interruption. Il ne sera pas possible d'emmener son attention avec soi dans les quatre postures. Et cet effort, il ne suffira pas de le fournir uniquement en posture assise, il faudra également le fournir lorsque vous serez dans la posture debout, en marche, dans la posture allongée et dans toutes les activités quotidiennes. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de l'effort. Je vais vous expliquer dans quelle mesure il est très important de le développer et dans quelle mesure il est indispensable si on veut réussir à développer son attention. L'effort est une des qualités du yogi, c'est le Bouddha qui le dit. Le Bouddha nous explique que le méditant a 5 qualités. La première, c'est la foi, Saddha. C'est la foi dans le Bouddha, dans le Dhamma et dans la Sangha. La deuxième qualité, c'est la santé. La troisième, c'est l'honnêteté. La quatrième, c'est l'effort. Et la cinquième, c'est la capacité de comprendre la nature de l'impermanence, autrement dit, comprendre les apparitions et disparitions. Ces 5 qualités sont donc indispensables pour celui qui vise à voir les choses telles qu'elles sont réellement dans le corps et dans l'esprit. Lorsque nous pratiquons la méditation vipassana, il faudra faire confiance d'abord à la technique, ensuite à l'auteur de cette technique et enfin à ses nobles disciples. Ceci, c'est faire confiance au Bouddha, au Dhamma et à la Sangha. Mais le Bouddha n'a jamais demandé qu'on le croie aveuglément. Il a toujours encouragé son auditoire à développer la compréhension de façon à pouvoir vérifier par lui-même son enseignement. Hier, vous avez entendu l'histoire de Wokali. Ce Wokali s'était donc fait moine, non pas pour développer la sagesse et vérifier par lui-même ce que le Bouddha annonçait, mais pour être toujours à proximité du Bouddha, de façon à pouvoir le contempler. Au début, le Bouddha ne lui dit rien. Il savait que Wokali ne méditait pas, mais il attend le début du Vassa pour lui faire une remarque. « Wokali, ne me regarde pas toujours, éloigne-toi de moi. Celui qui ne voit pas la vraie nature du Dhamma ne me voit pas. Celui qui voit le Dhamma me voit. » Wokali aurait beau le contempler, comme il ne voyait pas la véritable nature du Dhamma, il lui était impossible en fait de voir le Bouddha. Si on veut obtenir les bénéfices de la pratique, on peut commencer à mettre en application les instructions. Même les non-bouddhistes peuvent obtenir les bénéfices de la pratique de Satipatthana. Si on pratique, la confiance va se développer. Si la confiance devient forte, nous pourrons vérifier par nous-mêmes. Et si nous avons réussi à vérifier par nous-mêmes, nous aurons automatiquement foi en le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Ainsi, la foi, c'est la première qualité du yogi. Pour pouvoir pratiquer de façon assidue, il faut être en bonne santé, il faut être en forme. Si on n'est pas en bonne santé, si on n'est pas en forme, on ne pourra pas obtenir de résultats, tout simplement parce que nous ne pourrons pas fournir suffisamment d'efforts. Il est demandé, en effet, lorsqu'on pratique Satipatthana, de faire un effort, de pratiquer de façon diligente sans se reposer. La santé est donc un élément capital. Si on est faible, physiquement et mentalement, on ne pourra pas réussir à pratiquer de façon assidue. Ainsi, la santé est la deuxième qualité du yogi. Nous ne devrions pas nous plaindre et dire que nous ne sommes pas en bonne santé, car en réalité, il y a 96 maladies potentielles dans notre corps. La troisième qualité, c'est l'honnêteté. Nous devons être honnêtes lorsque nous pratiquons la méditation, et tout particulièrement lorsque nous allons faire rapport de nos expériences au professeur. Nous devons dire la vérité. Dans quelle mesure avons-nous été capables de pratiquer? Qu'avons-nous expérimenté? Avons-nous été capables de maintenir notre attention sans interruption? Avons-nous fourni suffisamment d'efforts? Nous devons donc être très sincères lorsque nous faisons notre rapport. Vient ensuite l'effort. L'effort, c'est l'énergie mentale et physique. Nous devrons fournir un effort dans les quatre postures, et cet effort devrait être soutenu. Comment fournissons-nous un effort? Le Bouddha explique que l'effort physique consiste à garder le dos bien droit et à le maintenir dans cette posture. L'effort mental consiste à noter tout ce qui se manifeste aux six portes sensorielles. Les six portes sensorielles sont l'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps et l'esprit. Dès qu'un contact s'établit avec l'une ou l'autre de ces six portes, il faudra le noter avec précision et très attentivement. Vous devez comprendre la signification de vipassana. C'est un mot qui comprend deux parties, vie et passana. Vie veut dire tout ce qui se manifeste aux six portes des sens. Passana veut dire être conscient, observer avec attention et précision. Pour le débutant, il ne sera pas possible de noter tout ce qui se manifeste aux six portes sensorielles, tout simplement parce qu'il n'a pas encore assez d'énergie physique pour cela et son attention est encore insuffisante. C'est la raison pour laquelle, au début, on se choisit un objet primaire d'attention. On nous demande de maintenir le dos bien droit mais sans raideur et de respirer de façon complète. Faire cela, c'est fournir un effort physique. Ensuite, nous devons observer très attentivement l'abdomen. Nous devrons chaque fois noter les mouvements de soulèvement et ensuite les mouvements d'abaissement de l'abdomen avec attention et précision. Cela, c'est faire un effort mental. Si vous n'êtes pas capable d'être attentif avec précision, cela veut dire que vous avez perdu votre énergie mentale. C'est la preuve que votre énergie mentale est faible. Si votre énergie mentale est faible, que vous l'avez perdue, vous ne pourrez pas suivre les mouvements de l'abdomen. Vous ne pourrez pas voir que ces mouvements sont en relation avec la respiration. Votre énergie mentale est trop faible. Les êtres ordinaires, les Putujana, oublient souvent leur attention. Leur esprit est souvent ignorant. Pendant la méditation, vous ne voyez pas que votre corps s'affaisse. Vous ne voyez pas qu'il penche de plus en plus, qu'il n'est pas droit. Vous avez perdu votre énergie physique. Et vous avez également perdu l'énergie mentale. Lorsque l'énergie mentale est perdue, la torpeur va s'infiltrer. La torpeur, c'est l'indice que l'énergie mentale et l'énergie physique sont faibles. La théorie est facile, mais la pratique est très difficile. Vous savez qu'il est très difficile de maintenir l'énergie physique et l'énergie mentale. Chanda, la volonté, la motivation, doit être forte. Si nous n'avons pas une forte motivation pour noter avec précision, nous n'y arriverons pas. C'est pourquoi on dit que chanda, la volonté ou la motivation, est un outil pour le méditant. Dès que vous serez devenu capable de suivre attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, une certaine confiance va apparaître. Mais cette confiance n'apparaîtra pas ou sera faible si vous réussissez à noter des mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen une ou deux fois seulement. Pour que la confiance se renforce, il faudrait que vous y arriviez au moins pendant une dizaine de fois. Si vous réussissez donc à noter ces mouvements une dizaine de fois, votre confiance va se développer, car vous aurez commencé à vous comprendre. le yogi sait par expérience combien il est difficile de maintenir l'esprit sur l'abdomen. Il comprend par expérience que l'esprit n'est pas facile à contrôler, qu'il est très rapide. Il constate que l'esprit vagabonde partout. Il comprend donc l'enseignement du Bouddha, puisque le Bouddha nous dit que l'esprit n'est pas facile à contrôler, qu'il est très rapide. Et plus le yogi est attentif, plus il le voit. Ne vous plaignez donc pas si vous avez beaucoup de pensées, car vous êtes capable de les voir et donc de comprendre ce qui se passe en vous. Dès que vous seriez devenu capable de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, votre énergie mentale se sera développée. Vous allez alors commencer à vous faire confiance à vous-même. Vous vous direz par exemple, « Je pensais ne jamais pouvoir y arriver, mais je constate que je réussis à noter 10 fois les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. » Et vous commencez à être satisfait de votre pratique. Si vous avez confiance en vous-même, vous aurez le désir d'expérimenter de plus en plus. Vous ne voudrez plus rater des annotations. Vous pourrez voir de mieux en mieux non seulement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, mais également tous les contacts sensoriels, toutes les sensations physiques. Dorénavant, vous savez comment il faut procéder pour développer l'attention. Au début de la pratique, on nous demande de noter la douleur. Si cette douleur devient insupportable, le méditant est autorisé à changer de posture, mais il doit le faire avec attention et noter « changer, changer ». Mais le méditant ne réussit pas à mettre les instructions en application et il change rapidement sans attention, non pas parce qu'il serait désobéissant, mais tout simplement parce que son attention est encore trop faible. Il change de posture inconsciemment. Après quelques temps, le méditant a développé son énergie, il a développé son attention et la confiance en lui est apparue. Il ne change plus de posture sans attention. Même si la douleur devient insupportable, il peut changer de posture, mais il le fait de façon attentive et avec beaucoup de précision. Procéder de cette façon, c'est faire un effort. Mais si le méditant ne fournit pas cet effort, il ne ralentira pas ses mouvements, il se montrera impatient, il changera de posture sans être attentif et rapidement, autrement dit, il ne comprendra rien. Les instructions nous demandent de maintenir la posture immobile, de ne pas bouger. Si nous devons bouger, nous pouvons le faire, mais il faut le faire avec attention. Au début, lorsqu'une démangeaison apparaît quelque part sur le corps, il nous arrive bien souvent de nous gratter sans attention. Mais il faudrait pouvoir être conscient non seulement de l'intention de se gratter, mais également du mouvement depuis le début jusqu'à la fin. Si nous ne sommes pas encore en mesure de percevoir l'intention, ce n'est pas grave, mais il faudrait que nous soyons attentifs depuis le début du mouvement. Nous notons « bouger, bouger, bouger ». Lorsque la main atteint la démangeaison et que nous nous grattons, nous notons « gratter, gratter ». Lorsque la main est ramenée, on note « ramener, ramener ». Si nous procédons ainsi, nous faisons un effort pour être attentifs. Cet effort est à la fois physique et mental. Mais si nous avons perdu l'énergie mentale, nous allons nous comporter comme nous avons l'habitude de le faire, rapidement. Se comporter rapidement, sans attention, revient à ne plus rien comprendre de la nature du corps et de l'esprit. Le yogi doit donc appliquer l'effort et l'attention. Et il doit le faire de façon ininterrompue. Son effort doit être ininterrompu, son attention doit être ininterrompue. Si vous perdez l'effort, vous avez perdu la compréhension. Si vous perdez l'attention, vous avez également perdu la compréhension. Lorsque vous serez devenu capable d'être attentif et de fournir un effort sans interruption, la compréhension va automatiquement se manifester. Pour que la compréhension se manifeste, il suffit d'être attentif et de fournir un effort. Quand la méditation en posture assise se termine, ne pensez pas que c'est fini, que vous pouvez relâcher votre attention, que vous pouvez vous relaxer et regarder de tous côtés. Essayez de ne pas lâcher votre esprit. Emmenez votre attention avec vous. Lorsque vous ouvrez les yeux, faites-le avec attention. Vous notez « ouvrir, ouvrir ». Soyez conscient du fait que vous ouvrez les yeux. Lorsque vous bougez la main, vous notez « bouger, bouger ». Lorsque vous abaissez la main pour prendre appui sur le sol, vous notez « abaisser, abaisser ». Lorsque vous touchez le sol, vous notez « toucher, toucher ». Lorsque vous vous relevez, vous notez « se relever, se relever ». Ensuite, lorsque vous vous déplacez, vous le faites attentivement et vous notez « pas gauche, pas droit ». Et si vous voulez encore développer votre attention et votre effort, vous pouvez essayer d'inclure l'intention. Notez de cette façon, pratiquez de cette façon, c'est la signification de « atapi », fournir un puissant effort. Atapi, c'est donc faire un effort puissant, physique et mental. Et cet effort devrait être ininterrompu. C'est un effort courageux. Est-ce vraiment indispensable de fournir cet effort? Nous pourrons vérifier cela par nous-mêmes. Pourquoi pratiquons-nous Vipassana? Nous pratiquons Vipassana dans le but de comprendre Anicca, Dukkha et Anatta. L'impermanence, l'insatisfaction et le non-soi. Mais pour un Putujana, un être ordinaire, ce n'est pas facile d'accepter Anicca, Dukkha, Anatta. Tout simplement parce que nous avons toujours cru au contraire. Nous avons toujours cru que nous étions permanents, qu'il était agréable de posséder ce corps et qu'il existait réellement. Depuis notre petite enfance, sans parler des vies antérieures, nous avons toujours parlé au niveau des concepts. Nous avons toujours parlé de mon père, ma mère, mon corps, etc. Ce n'est donc pas facile de dépasser ces concepts. Pour y arriver, il faudra obligatoirement fournir cet effort courageux. Dès que vous perdez l'attention pendant la méditation, vous pouvez constater que des pensées apparaissent associées au plaisir sensuel. Des yogis ont mentionné ce matin à l'entretien qu'ils étaient pris par ce type de pensée. C'est pourquoi l'effort sera nécessaire, dans une certaine mesure en tout cas. Il sera indispensable pour éliminer de l'esprit loba, le désir avide, dosa, la colère, le mécontentement, l'agitation, mora, l'ignorance, le doute, la somnolence. Toutes ces choses devront être éliminées de l'esprit. Et pour y arriver, nous devrons fournir un puissant effort et maintenir l'attention de façon ininterrompue. En fait, j'essaie de vous expliquer les paroles du Bouddha. Ce que je vous dis ici, ce ne sont pas mes instructions ni mes connaissances à moi. Il y a trois sortes d'efforts. Le premier, c'est Arambadhatu, l'effort initial. Le deuxième, c'est Nekamadhatu, l'effort moyen. Et le troisième, c'est Parikamadhatu, l'effort suprême. Le premier, l'effort initial, consiste à s'efforcer de noter l'objet présent avec attention. Au moment où on note attentivement un objet, quel qu'il soit, il n'y a ni désir, ni aversion dans l'esprit. L'esprit est pur, il n'y a pas d'illusion non plus, et donc moha est également absente. Si le désir, l'aversion et l'ignorance sont absentes, le méditant comprend quelque chose au moment où il note. Il voit clairement. Ce premier type d'effort Arambadhatu, l'effort initial, permet donc d'éliminer de l'esprit l'avidité et les autres impuretés. Vous continuez à noter les objets qui se présentent à chaque instant de façon très précise et assidue. Vous avez l'effort physique et l'effort mental. Vous avez la confiance, vous ne vous ennuyez plus. Vous êtes même de plus en plus intéressé par votre pratique parce que vous voyez de plus en plus clairement. Au début, lorsque vous observiez les mouvements de l'abdomen, vous ne les voyez pas très clairement. Votre observation était grossière. Vous ne voyez que le milieu de ce mouvement, la partie la plus proéminente. Après quelque temps, lorsque vous observez ces mêmes mouvements, vous êtes en mesure de voir le début, le milieu et la fin du soulèvement, le début, le milieu et la fin de l'abaissement. Vous commencez à voir plus clairement et vous devenez intéressé. Vous n'êtes plus paresseux. Mais si vous perdez l'attention, que vous perdez l'effort, la paresse va obligatoirement s'infiltrer. Elle va s'infiltrer tout simplement parce que vous n'expérimentez rien. Il y aura également de la confusion, du doute, de l'agitation. Vous n'obtenez aucun résultat, vous vous ennuyez. Tout simplement parce que vous avez perdu l'attention et l'effort. Mais si vous fournissez cet effort et que vous développez votre attention, que vous êtes attentif sans interruption au mouvement de l'abdomen, que vous n'ignorez pas les objets, vous réussirez à surmonter ces choses, vous réussirez à surmonter l'ignorance, la paresse, l'ennui. Vous n'ignorez plus rien, ni dans le corps, ni dans l'esprit. Vous avez surmonté la paresse et l'ennui. Votre énergie mentale et votre énergie physique se sont développées. Lorsque tout ceci se produit, vous n'oubliez plus les objets. Vous emmenez votre attention partout avec vous, dans tous vos comportements. Lorsque vous regardez, vous êtes attentif. Lorsque vous parlez, vous en êtes conscient. Lorsque vous bougez, vous en êtes conscient. De l'extérieur, on voit que vous avez un comportement attentif. Vous disposez alors de ce troisième type d'effort, l'effort suprême. Si vous disposez de l'effort suprême, vous pourrez éliminer les impuretés subtiles de votre esprit. Cet esprit va devenir très pur. Lorsque l'esprit sera très pur, vous serez en mesure de comprendre l'esprit et la matière, les causes et les effets, et vous pourrez éliminer progressivement toutes les impuretés. Grâce à votre attention et à votre effort, vous pourrez atteindre l'illumination et finalement l'état d'arhat. C'est pourquoi le Bouddha a parlé de atapi, faire un effort, satima, être attentif sans interruption. Si nous faisons un effort et que nous sommes attentifs sans interruption, tout naturellement sampajana va se manifester. Sampajana, c'est la claire compréhension, la compréhension complète. That is enough for today. May you be well, happy and peaceful. May you practice meditation diligently, ardently, precisely. May you understand the Dhamma clearly, then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.